pas trop le feu, ça sent le poulet. Le ciel est bleu, mais je sors cagoulé. Et je nique ta daronne dans la foulée. Vous êtes tous des guerres foulées. Oh Dieu, que ça sent la crise quand même. Les flics te fouillent, te disent le compte ta mère. Mais pourquoi je suis pas sur une onde à mer? Rien à faire et on s'en fume à l'air. Arrête de dire non, tout le monde t'a reconnu. Putain, j'étais pas comme ça quand je t'ai connu. En ce moment, je vois le buzz, mais j'essaie de garder ma tête. Tu me parles de gros brinks, t'as fait que des popettes. Tu me parles de vidon, t'es encore en fila. Pour moi, tu restes à l'ancienne comme le mot filade. Tu laisses les cheveux longs, genre la mode italienne. En bas de chez toi, t'as garé le Cayenne. J'avais pas compris pourquoi j'avais taillé. Casque intégral, tu t'es dit ça y est. Sois pas stressé, j'ai vu ta mère tout à l'heure. T'inquiète, le pactage, je te l'envoie à l'heure. Y'en a qu'une que j'aime forcément, maman. Tu crois que t'es le plus fort, maman. Et je savais que j'allais te sauver. Désolé, mais au bitume, j'suis collé. On n'est pas des voyous, ni des toxicos. Gros mytho, il est ton hélico. Tête de Corsico, je traîne avec Bico. J'veux taxer la France comme l'a fait Nico. Tu shit, ça veut en parler, parler. Vous faites péter, nous on s'en parlait. Buvette, fumette, un plan arrive en survette. Soufflette, on est là pour ton cul, pourquoi tu rouspètes? Putain, je me lève, je sors, y'a dégaine. Prends ta survette, maman, la dégaine. J'suis tranquille, j'suis cool, mais faut pas me berner. J'écoute, j'ai méchante, mais j'peux pas cerner. Ça coule le sang, faut les interner. Fermez vos gueules, j'arrive cerner au studio, les yeux presque fermés. C'est pas mon dernier sang, alors le sang, c'est quand t'as permission. Tu grandis, t'oublies, tu vis, tu perds tes os. Suffit d'un coup, gros, pour faire des gosses. Suffit de faire le fou pour se prendre un coup de croche. J'ai pas la carrure, Lil Wayne, ni la chaîne Harry Cross. Au sud, enfant, je suis calé. Sur les chemises, ça jette des galets. Ça sert à rien de parler. Allez, jette-moi là, mais je vais te chaler. Fais tes bails, mais faut pas chialer. Quand t'allais pas, moi j'allais. Ça met la scène sans jarret. Avant le bravo, ça fait la boule à Z comme j'allais. J'ai avé la honte au palais. Tu vas rentrer la puce au palais. Que tu rentres, mais tu fais rien de ta pète. Fume, la crise au mic gravée sur la plaquette. J'vais pas finir au chantier, t'as fait dans le placo. J'ai entendu que les civils ils veulent ta peau. J'ai branché des femmes, j'ai mangé des râteaux. En boîte, j'voulais rentrer avec mes sépagos. J'suis pas trop bord de mer, caviar et pago. Vodka, air, bon détour de tago. J'ai branché des femmes, j'ai mangé des râteaux. En boîte, j'voulais rentrer avec mes sépagos. J'suis pas trop bord de mer, caviar et pago. Vodka, air, bon détour de tago. Je veux jusqu'au cul, j'suis obligé de lincer. J'regarde ta femme, man, faut pas te vexer. T'es embourré,